Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. C'est Marc Diquet de Kick 95,7. Salut Marc. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Marc, avant d'y aller avec nos prix orange et citron, ça fait longtemps que moi je le savais, tu m'en avais parlé depuis fort longtemps, mais là c'est maintenant chose faite. Il y aura une marche entre Saint-Prime et Val-Jalbert de 27 km. Un peu le même pendant de la randonnée du Gros Diquet, mais ça va se faire au lac Saint-Jean le 1er juin. Oui, effectivement. Il y a des gens qui m'en ont parlé depuis un an ou deux. Hey, on aimerait ça que tu fasses une marche au lac, puis tout. Puis j'ai regardé le pot puis le compte, puis pas évident de faire un parcours non plus. Mm. Puis j'en ai parlé avec le comité. Puis le comité, écoute, on dit OK, on le laissait. Puis j'ai eu une collaboration, je vais dire, du maire de Robertval, M. Côté, qui est incroyable là-dedans. Ils m'ont ouvert bien des portes. Ouais. Puis ça s'est fait. Donc, Véloroute des Bleuets, départ du chalet Primo. À Saint-Prime, l'arrivée se fait à Val-Jalbert. On va passer par Mastoyage également. Je vais te dire, là, tout ce qu'il y a de ville et de gens responsables, là, leur collaboration est incroyable. Puis j'ai fait une vidéo là-dessus au début de la semaine. Ouais. Puis je reçois des commentaires de monde du lac Saint-Jean. C'est super le fun. Les gens ont l'air craqués. Vraiment. Puis comme je te dis, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai pas d'objectif. Il y a pas d'objectif du tout. Parce que c'est la première fois, puis on sait jamais. Ouais. Mais honnêtement, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant le feedback que je reçois à ce moment-ci. Puis les gens ont l'air craqués, puis je trouve ça vraiment le fun. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est comme je te disais, c'est le même principe qu'à Saguenay. C'est la même chose. Ouais. Tous les fonds sont remis au Havre du Lac, là. Une maison de fin de vie. Écoute, c'est bien excité. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que cette année, on va avoir des ambassadeurs qui vont venir avec nous autres, parce que, tu sais, moi, je suis pas un gars du lac. Okay. Mais je veux surtout pas être perçu comme un gars du Saguenay qui vient faire son show, là. Donc, ouais. On s'est trouvé du monde du lac qui vont venir marcher avec nous autres, des gens connus. Francis Véropol, l'ancien des Sages, le joueur des Marquis, va venir avec nous autres marcher. Il va être là. Ça, je suis super content. Je suis super content. Il va en avoir d'autres également qu'on va annoncer, des gens de Robertval, des gens du lac Saint-Jean. Donc, je te dis pas son nom, mais un gars d'Albanel. Ben ouais, c'est facile. C'est Albanel qui va venir marcher aussi. Tu peux un peu quasiment dire que c'est Justin Saint-Pierre. C'est déjà confirmé. Ah, j'ai pas dit ça. Marianne, vas-tu être là? J'ai pas ses... étrangement, j'ai pas ses coordonnées. Puis, je vais essayer, mais je sais pas. Puis, tu sais, d'un autre côté, tu sais, c'est le 1er juin. C'est quand même, ça arrive vite. Fait que, tu sais, j'en ai aucune idée. Je vais essayer de rentrer en contact parce que, honnêtement, moi, j'ai pas envoyé de contact à du côté de Marianne Saint-Jean, là. J'ai pas fait de demande non plus, voir si c'était disponible ou pas, là. Je vais le faire. Je sais que ça arrive tard, mais comme je te dis, on a eu les autorisations, puis tu sais, le temps de faire ça, ouais. Ça a été plus long que je pensais un peu. Puis on s'est même dit, on le fait juste l'année prochaine, finalement, mais là, on le fait cette année. Puis si ça t'intéresse, c'est sûr que, regarde, c'est pas un. Hein? C'est sûr. Ouais. À Brosse-Voire. Effectivement. Je vais te donner tu restes en ligne. Je te donnerai. Voilà. On peut quand même le dire. D'abord, pour une bonne cause, je suis pas sûr. Marianne ne devrait pas m'en vouloir. Parce que c'est tellement une bonne cause. Ben, c'est tellement une, le cancer. Écoute, tout le monde a été touché par le cancer. Moi, j'ai perdu mon père. Mon oncle, que j'aimais beaucoup, est décédé également d'un cancer. Toi, t'en connais. Fait que qui a pas eu une personne contre le cancer, tu sais, qui a perdu quelqu'un ou qui connaît pas quelqu'un qui se bat actuellement aussi pour le cancer. Ah, c'est malheureusement, t'as bien raison. Puis c'est pour ça qu'on fait ça. Puis mine de rien, tu sais, à Saguenay depuis 6 ans, on a récolté avec nos efforts, puis surtout les efforts des gens qui participent là, parce que c'est eux autres qui n'ont pas là, au-delà de 160 000 $. Fait que, tu sais, ça commence, ça va bien. Les deux dernières années, on a peut-être 50 000, tu sais. Fait que c'est honnêtement bien qu'on fait ça. Est-ce que ça va être le même trajet année après année? Là, j'imagine que tu vas te dire, je vais commencer par faire celle-là, après ça, on verra, puis c'est normal, mais je te pose pareil la question, parce que le haut du lac, c'est large. Est-ce que Dolbeau, Mississini pourrait être visé à un moment donné? Une année dans le coin de Dolbeau, l'autre année dans le coin de... Écoute, tout est possible, là. Ouais. Je vais voir comment ça va répondre du côté de Robertval, mais tout est possible, là. Je te dis pas que... Puis, tu sais, idéalement, il faudrait quasiment faire Non, je travaille à travers ça, là. On ouais. t'entend. Mais ouais. idéalement, je me demande si encore là, il y a de la demande. On pourrait peut-être en faire une dans le haut, en plus. OK. Tu veux dire dans le nord du lac Saint-Jean. Okay. Moi, je me dis, il y a une année, est-ce que ça serait possible par 3 marches par année? Pas 3 fois 40. Non, parce qu'on a 6 mois. Pas sûr que tu vas faire ça le 1er janvier. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Est-ce que ça serait possible d'en faire une d'une vingtaine également dans le haut du lac? Écoute, comme je te dis, on n'est pas. On a un comité, mais on a tous des jobs à travers ça. Ben oui. Fait que s'il y a des gens qui se manifestent dans le haut du lac, moi, je suis vraiment pas fermé à ça. Pas cette année, c'est sûr, mais pour l'an prochain, parce que je suis sûr qu'il y a une maison de fin de vie également de ouais, ce côté-là. Oui, ça s'appelle Colombe-Veilleux, mais moi, je pense que quelque part, je te dis ça demain, ça va être difficile de faire 3 marches par année, mais tu pourrais alterner un an dans le coin de Dolbeau, un an dans le coin de Robert-Val, ça serait correct. Ouais, je sais pas. Ça l'alternance, je suis pas sûr. Non? Je suis pas sûr. Okay. 3 marches, physiquement... Physiquement, il n'y a rien là, faire 3 marches. Ça, il n'y a okay. rien là. Okay. Mettons deux 24 là, puis ouais. la grosse, il n'y a rien là, ça. C'est pas ça, c'est l'organisation. Okay. Ça demande ouais. beaucoup. Mm. J'en demande beaucoup moi, au comité, tu sais, c'est ça le problème. C'est plus à ce niveau-là là, qui se l'ouvrage un peu. Là. OK. On va y aller avec nos prix orange et citron. J'imagine que du côté du prix orange, on a le même prix orange que... Ah, tous les deux cette semaine. C'est incroyable. Hein? C'est... Je suis pas un amateur de golf, par contre. C'est plus gros que le sport, là, ce qui s'est passé samedi dernier. Ben oui, puis quand tu dis que c'est plus gros que le sport, tout le monde connaît Tiger Woods. Ouais. Tout le monde connaît Tiger Woods. Moi, je me dis souvent, quand ma mère le connaît, c'est qui? Mm. C'est parce que cette personne-là transcende le sport. Ouais. Puis Tiger Woods l'a fait pour les bonnes raisons. Tiger Woods a effectué le retour le plus spectaculaire que moi j'ai vu de l'histoire du sport. J'ai jamais vu un retour comme ça. Jamais, jamais. Non. C'est fantastique ce que Tiger Woods a fait en remportant le Masters. Tu sais, il avait montré des signes, mais aller gagner le Masters, c'est quelque chose. Oh, ouais. C'est vraiment, tu sais, c'est la Coupe Stanley du golf, là. Donc, il n'est pas revenu un peu heureux, il a gagné le Masters, puis ça, c'est incroyable. Mais, tu sais, quand tu dirais la pression, hein, Tiger, il est habitué à jauger que la pression, c'est peut-être tu sais, il était fort, là. Le dernier dimanche, là, c'est ça, là, parce que samedi, il était deuxième, troisième, puis il est revenu en force, là. Tu sais, c'est là qu'on voit que c'est un grand athlète, là. Parce que le dimanche, surtout au Master, imagine-toi la pression que ce gars-là avait, là. Il savait que c'était un grand retour, qu'il était dans le coup. Imagine-toi la pression. Incroyable. Ben, la pression, oui pis non, parce que juste de le voir performer, mettons qu'il finit top 3. Ouais. Hey, c'est quelque chose pareil, là. Mm. Je veux dire, c'est quelque chose pareil, là. Je pense pas que les gens auraient dit, Tiger a choqué. Les gens auraient dit, waouh, il finit troisième, il est capable d'en gagner un autre. Ouais. Non, il est allé le gagner. Je sais pas s'il y avait une pression taxée à remporter le Master. Moi, je pense qu'il y avait une pression à bien performer. Mm. Et le plus qu'il a fait, là. Ouais, effectivement. On va y aller maintenant avec, évidemment, on a le même prix orange. Toi aussi, j'imagine, t'as un autre prix orange. En dehors des ondes, on se l'a dit. C'est donc, ton deuxième prix orange. Ouais, les séries de la Coupe Stanley. Ah, ouais. Les séries de la Coupe Stanley. Il y en a qui vont moins aimer ça. Il y en a qui vont aimer ça. Y en a, là, j'entends des grands experts dire qu'il faudrait revoir le format des séries. Non, là, oui, il y a des injustices, là. Ben, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne aux formules 1 contre 8. Ben, écoute. Moi, je baisse un contre 8, là. Mais, tu sais. Bon, mais les équipes repêchées, puis, tu sais, les 8 meilleures équipes de chaque conférence, j'irais comme ça. Ben, oui, puis. Non, ben, sauf que, moi, les champions de division, j'aime ça. Okay. Parce que ça donne un avantage. Puis, dans la NFL, c'est comme ça aussi, là. Ouais. Les champions de division, on en a vu des divisions faibles à disqualifier, là. Mm. Tu sais, mais 1 contre 8, moi, j'aime ça. J'aime ça. C'est, même avec le champion de division, là, de l'autre côté, ça donnait un plus à la saison régulière. Mm. Ça donnait une course. Cette année, on a eu une maudite belle course en série. C'est le fun. Oui, c'est ça. Ben non, vraiment. Puis, moi, j'aime ça comme c'est là. Puis, cette année, de voir les 2-8 sortir les 1, et de façon décisive, là. Ouais. T'aimes pas qu'il se fait sortir en 4 contre Columbus. Et moi, John Tortorella, j'adore ce gars-là, honnêtement. Ouais. Et de l'autre côté, l'Avalanche, qui a 5, élimine les Flames. Ah, wow. C'est incroyable. Tu sais, les meilleurs, pour gagner des meilleurs, il faut qu'ils soient les meilleurs. Hein. Et Mikko Rantanen Rantanen et MacKinnon ont été meilleurs que Johnny Gaudreau. On n'a quasiment pas vu Johnny Gaudreau, là. Et, tu sais, on parle beaucoup de Nathan McKinnon qui est bon, effectivement. Ouais. Mais Rantanen, là. Mm. Il avait connu une deuxième moitié de saison bizarre, par exemple. Il avait ralenti beaucoup. Oui, mais tu sais, il est encore jeune. Puis moi, effectivement. Il joue du gros hockey. Il a la chaîne. Puis il a tout, le gars. Vraiment, moi, il m'impressionne. Effectivement. Donc, c'est ton premier. Moi, mon autre premier, je suis content pour un gars. C'est Alain Vigneault. Alain Vigneault, quelqu'un qui a un très, très beau contrat avec les Reds, pas les Reds de Cincinnati, mais les Flyers de Philadelphie. 5 millions par année. Moi, j'étais sûr qu'il allait revenir avant cette année, mais hier, j'écoutais ses commentaires, je pense qu'il a bien aimé ça prendre son année sabbatique. Puis quand des gars comme Todd McLellan, des gars comme Willie Desjardins, des gars qui ont été capables de se passer quoi que Desjardins ne revient pas, ben quelque part, Alain Vigneault, c'était comme une injustice qu'il ne revienne pas. Puis je pense que les Flyers de Philadelphie, dirigés par Alain Vigneault, ils vont être très dangereux au cours des prochaines années. Puis ils se sont trouvés à gardien de but depuis Ron Extall. Et enfin, je pense que Carter Hart va répondre aux besoins. Oui, c'est un bon point. Puis ça va faire du bien. L'entraîneur, il y a une prestance pour eux là-bas. Ouais. Alain Vigneault, son seul défaut, il a jamais remporté le gros trophée. Ouais. Mais non, je pense qu'Alain Vigneault, avec les Flyers, c'est naturel, ça va bien. C'est un gars qui est bien aimé des médias. C'est un gars qui a de l'expérience. Puis, tu sais, il a 56 ans, il est pas boudard, loin non. de là. Non. Puis c'est un excellent coup, les Flyers, ça, je suis d'accord avec toi. OK. Prix Citron, maintenant. Ben, j'ai pas le choix de te mettre Tampa Bay. Ah, OK. Parce que, d'abord, là, on va se le dire, ils ont choqué. Ben, c'est sûr qu'ils ont choqué. C'est bien beau, Columbus, c'est un meilleur club qui est en... C'est vrai que Columbus, c'est un bon club de hockey, mais Tampa Bay, là, moi, je suis content pour une chose, puis je vais quasiment parler comme un fan du Canadien. Je m'explique. Depuis des années, là, on parlait de Julien Brisebois. Ah, Julien Brisebois, il sait comment identifier le talent, hein? Puis là, c'était un plein de petits Québécois, agents libres, qui, signent pas à Montréal, vont tous s'y attendre pas. Et là, on dit, ah, Julien Brisebois, waouh, ce gars-là sait comment évaluer le talent. Il est bon, il est beau. Tu sais, Julien Brisebois, là, quand tu vas aux toilettes, tu fais caca, là, c'est de l'arc-en-ciel. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de défaut, ce gars-là. Il est vraiment parfait, là. Là, l'équipe a choqué. Et avant les séries, il a prolongé le contrat de son coach. Et la vraie valeur de Julien Brisebois, là, c'est là qu'on va l'avoir. Ouais. C'est cet été qu'on va l'avoir. Parce que tant que pas bien, là. Moi, les gens qui disent « Ah, mais ils n'ont pas eu de défi de l'année. Hey, » t'as peu, là. Tu peux pas jouer une saison complète sans avoir de l'adversité. C'est impossible. Non, mais moi, le pic, j'y crois beaucoup, Marc. Puis tu sais, ils ont quasiment eu une année aussi forte que les Canadiens de 1976. Là. Ils ont gagné la Coupe en 76, hein, Canadiens? Oui, c'est ça. Ils n'ont pas fait. Là, ce que t'as pas bien doit faire, là, et c'est là que Julien Brisebois, on va voir, là. C'est de faire le bon choix. Et de un, c'est de pas scraper le club. Parce que des clubs qui se font sortir en première ronde, des gros clubs aspirants, là, qui se font sortir en première ronde, et que l'année d'après, gagne la Coupe Stanley, ça arrive. S'il y a les Blues, il y a une Coupe d'année. Au niveau local, les Martins, il y a une Coupe d'année. Ça fait sortir comme des bébés en première ronde. L'année d'après, bang, gagne la Coupe. Ça arrive, ça. Les Brisebois aura les bons choix à faire. Et le premier, ce sera d'échanger son Matt Sundin, son gars qui est très bon Stamkos. En saison, en série, ça va pas de la crotte, Steven Stamkos. Est-ce qu'il va le faire? Ça va être ça. Moi, d'après moi, Tampa, là, travaillez vos affaires comme il faut, puis vous êtes pas loin de la coupe. Là. Il vous manque là, peut-être un joueur de caractère, parce que moi, je le disais au début des séries, sur Tampa Bay, dis, moi, c'est drôle, je pense pas qu'ils vont gagner la coupe. Puis là, je vais te sortir encore des vieilles comparaisons. Souviens-toi des Pingouins. Quand ils ont gagné leurs deux premières Coupes Stanley dans les années 90, là, début 90, te souviens-tu quels joueurs d'expérience qu'ils sont allés chercher? Ron Francis. Et voilà. Ouais. Ron Francis pouvait appuyer les Lemieux. Puis Lemieux n'était pas vieux dans ce temps-là. Il n'était pas boudard, Lemieux. Il pouvait appuyer les Lemieux. Il pouvait appuyer les Jaguars. Ils n'en ont pas de vétérans de qualité. Ils n'en ont pas. Fait que ça. Tu sais, ils en ont, mais c'est des gars finis. Ça leur prenait, tu sais, c'est pas Callahan. Fait que ça leur aurait pris un joueur de qualité, un vétéran qui a vu des séries dans sa vie, puis tu sais, ils en ont pas de ça. Quoi que Ron Francis, c'est pas lui qui est avec les Oilers d'Hartford, mais par contre, à Pittsburgh, il était le troisième, là, derrière Jagger et Mario Lemieux. Non, puis il était bien, il était à sa place. Je veux dire, Francis, ça a été un des bons joueurs d'hockey des années 80-90. Tu sais, sa contribution, c'est un bon vétéran qui a vu de l'action. C'est ça qui manque. Tampa Bay, ils m'ont fait passer au Nordique de 93 dans cette série-là. Moi. Ouais. Beaucoup de talent, mais ça manque de poils au menton puis dans les séries. Puis malheureusement, c'est pas Stamkos qui aura bientôt 30 ans qui va t'amener ça. Hey, regarde Toronto, là. Mm. Puis on va comparer deux joueurs pour le fun. Regarde Toronto pour le fun. Mettons que demain matin, on a un match à gagner. Là. Ouais. Demain matin, pas dans 10 ans, là. T'as un match à gagner. Ouais. Qui tu veux dans ton club? Mitch Marner ou John Tavares? On va prendre John Tavares. Tu vas prendre Tavares avant Marner? Ouais. On chicanera pas. Ouais. Moi, je m'excuse, mais le joueur à Toronto présentement, c'est pas Tavares, c'est Marner. Ouais. Fait que faut faire attention à ces gros vétérans-là, très payés. Moi, c'est à me cause. Je dis pas qu'il est pourri. Mm. Je dis pas qu'il est pas bon. Au contraire. Ouais. Mais ce gars-là, moi, en série, me déplut de façon terrible. OK. Marc, mon prix citron. Moi, je vais y aller avec. C'est arrivé la semaine passée, mais ça s'est continué cette semaine. C'est Pécopé. OK. Ça pas de bon sens. Ce gars-là s'est planté royalement en coupant le signal de Bell aux abonnés de Bell. Je pense que, quelque part, je commence à penser et à croire les gens qui disent que peut-être qu'ils préparent la fermeture de TVA Sport en mettant l'odieux sur le CRTC. Ouais. Peut-être. Moi, je trouve pas que c'est souhaitable parce que TVA Sport, là. Ouais. Comment je te dirais ça? C'est pas tout noir, TVA Sport. Mais moi, non, ils ont de très bons éléments. Le problème, c'est que leurs bons éléments, à mon avis, à moi, sont à l'arrière-plan. On en a parlé souvent de ça. C'est Denis Cazavant. T'as Steve Young derrière Joe Montana, tu sais, quelque part. Là. Mais de priver puis de faire payer le client. On avait pas d'affaire là-dedans, nous autres, dans cette histoire-là. Ben, moi, personnellement, c'est avec Belle, là. Ouais. Belle, c'est Pablo chez nous, là. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a rien enlevé ben, là. Non. Moi, ça m'a pas touché personnellement une Christine minute, là. Mais la question qu'il faut se poser avant tout, Danny, là, ouais. C'est bien beau, Pépé Lado, pis ses frasques, pis tout, là, pis c'est... Est-ce que le Québec est assez gros pour se payer deux réseaux de télé sportive? Non. Pas actuellement. Écoute, pis c'est là l'erreur de pis tu sais, c'est pour ça que j'en viens à mon prix citron. Tu sais, PKP, là, il gueule après CRTC, il gueule après Bell, mais à quelque part, là, TVA Sport a été créé pour les Nordiques, puis il y avait, rappelle-toi, en 2011, il n'y avait aucune garantie que les Nordiques revenaient. Puis il l'a créé pareil. Puis deuxièmement, il a payé ben trop cher son contrat de télévision. Puis troisièmement, le payroll là-dedans. Et on entend des chiffres concernant Dave Morissette puis Bergie puis tout ça, comment que ça vaut de la... comment ils sont payés. C'est affreux, là. Ben, c'est le salaire de Montréal. Ouais. Fait que non... Oui, il y a beaucoup de gars bien payés là-dedans, mais c'est le salaire de Montréal, tu sais. Puis la bonne nouvelle, au moins, c'est du privé, là. Ouais. Moi, je me pose la question. Puis même si les Nordiques reviennent... C'est-tu la place pour deux réseaux de télé? Parce que, oublie pas une chose, ta RDS 1, 2, 3, ta TVA Sport 1, 2, ben, t'as peu, là. Ouais. Ça fait beaucoup. Puis, il m'a dit une chose, si les Nordiques reviennent, là. Ouais. Pourquoi. Ben, les expos vont venir avec les Nordiques, là. Pourquoi tu fais pas comme dans le temps? Je veux dire. TVA pourrait présenter les games des Nordiques le samedi soir. Sur le canal général? Ben, c'est ça. Ouais. J'ai hâte de voir j'ai hâte de voir comment que ça va finir. Moi, je pense qu'à quelque part, je sais pas s'ils vont fermer, mais c'est pas souhaitable. Mais il a tellement mal travaillé son affaire. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il a fait de mauvais choix, il a pris des mauvaises décisions, puis il a essayé de faire payer, les employés et les clients de Bell. Et les clients de TVA Sport aussi. On est des clients de TVA Sport, faut pas oublier ça, là. Non, absolument. Mais comme je te dis, ma question que je me pose toujours, c'est est-ce que le Québec est gros pour deux réseaux de télé? Parce que. Marc, merci beaucoup. Joyeux Pâques. Puis on se reparle samedi prochain. Hey, merci, toi aussi. Voilà, c'est le commentaire de Marc.